entrée d'autoroute là. La lumière à l'ombre, on est en bas ton hall. Un équipage tombe des gants noirs, c'est ma clique. Pareil c'est Poudlard, mais des lignes c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est mes jeans qui m'agitent. Je reconnaîtrais, je reconnaîtrais. Ça va, ça vient, ça repart dans une boîte. Des matins le soleil se lève pour tout le monde. Des matins la braque se lève que pour moi. Si t'essayes de le faire, tu te réveilles assez tôt. Acheter des balles vides, des chargeurs, ça détend. Je suis pas devenu un loup pour finir en chien. Ouais vas-y l'ancien, mange ton t'as des dents. Quand la vie nous balade, c'est de la haute couture. On assume la suite, sous 2 grammes de peur. Les carottes sont cuites, personne parle de meuf. Personne parle de fils, pour moi des balles de neuf. Moi t'es bâti, j'suis moi t'es cara. Des dragons dans mon dos quand toi t'es pas là. La sauce en boîté, pousse-moi j'ai doigté. Pousse-moi dans ma chasse, je fais le boîté malin. J'ai déjà tout lâché, dans les bras de mon frère. Lâche pas le nom des morts, sans remords tu crames. Les regrets d'une vie, les larmes d'un homme ne couleront jamais, comme les pleurs d'une femme. Serge, l'équipe est au cas, tiche, tiche. L'équipe est au cas, tiche, tiche. L'équipe est au cas, tiche, tiche. L'équipe est au cas, tiche, tiche. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. L'équipe est au cas, l'équipe est au cas, l'équipe est au cas, l'équipe est au cas. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. Ça sent du tir pour m'évader. On sortira de là en coupant grillage. Des braqueurs de fret, de centre de triage. Ça sent pas le sapin, ça pue l'embrayage. En ce moment c'est tendu, on sort pas de nos villes. T'as pas vu mon pif, me prends pas de profil. Va niquer ta mère, ça fait 4 mobiles. Sorti 4 pour blague en façon Batmobile. Kader est sorti, gros son racketeur. On trahit pas la honte, gros t'as craqué. J'arrive dans ton club pour chanter une heure. En partant je récupère tout ce que t'as claqué. Quelle distance ton jeep, et garde tes talons. Devant le canton tu verras quel dit ballon. Ma chair est cassée, j'ai visé le haki. La balle qui est partie revient pas dans le canon. J'approche de vie, tant qu'il reste du flot. Contre là j'ai frappé, j'ai pris votre vidéo. J'suis dans la dream team, j'récupère ma prime. À l'heure de ton crime, j'ai pris ta hublot. J'sais pas dire adieu, j'sais pas dire je t'aime. Le démon sorti, j'me retiens plus courir. Les regrets me tuent, les souvenirs me prennent. Dans la nuit j'appelle mon père quand j'suis bourré. Serge, l'équipe est au cas, tiche, tiche. L'équipe est au cas, tiche, tiche. L'équipe est au cas, tiche, tiche. L'équipe est au cas, tiche, tiche. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. L'équipe est au cas, tiche, tiche. L'équipe est au cas, tiche, tiche. L'équipe est au cas, tiche, tiche. L'équipe est au cas, tiche, tiche. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. Algérie Paris Bagdad, ouais. Ouais.